2. Ceci posé, remarquez que toutes ces sciences, objets de la logique, ne sont que des amas de propositions, et que toute proposition ne fait que lier ou séparer un sujet et un attribut, c'est-à-dire un nom et un autre nom, une qualité et une substance, c'est-à-dire une chose et une autre chose. Cherchons donc ce que nous entendons par une chose, ce que nous désignons par un nom, en d'autres termes, ce que nous connaissons dans les objets, ce que nous lions et séparons, ce qui est la matière de toutes nos propositions et de toutes nos sciences. Il y a un point par lequel se ressemblent toutes nos connaissances. Il y a un élément commun qui, perpétuellement répété, compose toutes nos idées. Il y a un petit cristal primitif qui, indéfiniment et diversement ajouté à lui-même, engendre la masse totale, et qui, une fois connu, nous enseigne d'avance les lois et la composition des corps complexes qu'il a formés. Or, quand nous regardons attentivement l'idée que nous ne faisons d'une chose, qui trouvons-nous? Prenez d'abord les substances, c'est-à-dire les corps et les esprits. Cette table est brune, longue, large et haute de 3 pieds à l'œil. Cela signifie qu'elle fait une petite tache dans le champ de la vision. En d'autres termes, qu'elle produit une certaine sensation dans le nerf optique. Elle pèse 10 livres. Cela signifie qu'il faudra pour la soulever un effort moindre que pour un poids de 11 livres et plus grand que pour un poids de 9 livres. En d'autres termes, qu'elle produit une certaine sensation musculaire. Elle est dure et carrée. Cela signifie encore qu'étant poussée, puis parcourue par la main, elle y suscitera 2 espèces distinctes de sensations musculaires, et ainsi de suite. Quand j'examine de près ce que je sais d'elle, je trouve que je ne sais rien d'autre que les impressions qu'elle fait sur moi. Notre idée d'un corps ne comprend pas autre chose. Nous ne connaissons de lui que les sensations qu'il excite en nous. Nous le déterminons par l'espèce, le nombre et l'ordre de ses sensations. Nous ne savons rien de sa nature intime, ou s'il en a une, nous affirmons simplement qu'il est la cause inconnue de ses sensations. Quand nous disons qu'en absence de nos sensations il a duré, nous voulons dire simplement que si, pendant ce temps-là, nous nous étions trouvés à sa portée, nous aurions eu les sensations que nous n'avons pas eues. Nous ne la définissons jamais que par nos impressions présentes ou passées, futures ou possibles, complexes ou simples. Cela est si vrai que des philosophes comme Berkeley ont souvent avec vraisemblance que la matière est un être imaginaire et que tout l'univers sensible se réduit à un ordre de sensations. À tout le moins, il est tel pour notre connaissance, et les jugements qui composent nos sciences ne portent que sur les impressions par lesquelles ils se manifestent à nous. Il en est de même pour l'esprit. Nous pouvons bien admettre qu'il y a en nous une âme, un moi, un sujet ou récipient des sensations et de nos autres façons d'être distinctes de ces sensations et de nos autres façons d'être. Mais nous n'en connaissons rien. Tout ce que nous apercevons en nous-mêmes, dit Mill, c'est une certaine trame d'états intérieurs, une série d'impressions, sensations, pensées, émotions et volontés. Nous n'avons pas plus l'idée de l'esprit que de la matière. Nous ne pouvons rien dire de plus sur lui que sur la matière. Ainsi les substances, quelles qu'elles soient, corps ou esprit, en nous ou hors de nous, ne sont jamais pour nous que des tissus plus ou moins compliqués, plus ou moins réguliers, dont nos impressions ou matières d'être forment tous les fils. Et cela est encore bien plus visible pour les attributs que pour les substances. Quand je dis que la neige est blanche, je veux dire par là que lorsque la neige est présente à ma vue, j'ai la sensation de blancheur. Quand je dis que le feu est chaud, je veux dire par là que lorsque le feu est à portée de mon corps, j'ai la sensation de chaleur. Quand nous disons d'un esprit qu'il est dévot ou superstitieux, ou méditatif, ou gai, nous voulons dire simplement que les idées, les émotions, les volontés désignées par ces mots reviennent fréquemment dans la série de ces matières d'être. Quand nous disons que les corps sont pesants, divisibles, mobiles, nous voulons dire simplement qu'abandonnés à eux-mêmes, ils tomberont, que tranchés, ils se sépareront, que poussés, ils se mettront en mouvement, c'est-à-dire qu'en telle et telle circonstance, ils produiront telle ou telle sensation sur nos muscles ou sur notre vue. Toujours un attribut désigne une de nos manières d'être ou une série de nos manières d'être. En vain nous les déguisons en les groupant, en les cachant sous des mots abstraits, en les divisant, en les transformant, de telle sorte que souvent nous avons peine à les reconnaître. Toutes les fois que nous regardons au fond de nos mots et de nos idées, nous les y trouvons, et nous n'y trouvons pas autre chose. Décomposez, dit Mill, une proposition abstraite. Par exemple, une personne généreuse est digne d'honneur. Le mot généreux désigne certains états habituels d'esprit et certaines particularités habituelles de conduite, c'est-à-dire des matières d'être intérieures et des faits extérieurs sensibles. Le mot honneur exprime un sentiment d'approbation et d'admiration, suivi à l'occasion par les actes extérieurs correspondants. Le mot digne indique que nous approuvons l'action d'honorer. Toutes ces choses sont des phénomènes ou états d'esprit suivis ou accompagnés de faits sensibles. Ainsi, nous avons beau nous tourner de tous côtés, nous restons dans le même cercle. Que l'objet soit un attribut ou une substance, qu'il soit complexe ou abstrait, composé ou simple, son étoffe pour nous est la même. Nous n'y mettons que nos manières d'être. Notre esprit est dans la nature, comme un thermomètre est dans une chaudière. Nous définissons les propriétés de la nature par les impressions de notre esprit, comme nous désignons les états de la chaudière par les variations du thermomètre. Nous ne savons de l'un et de l'autre que des états et des changements. Nous ne composons l'un et l'autre que de données isolées et transitoires. Une chose n'est pour nous qu'un amas de phénomènes. Ce sont là les seuls éléments de notre science. Partant, tout effort de notre science sera d'ajouter des faits l'un à l'autre ou de lier un fait à un fait.